J'entame ce 16 avec la force, avec une rage qui vient de loin. Je vis sans trêve, écris la force, la musique tant qu'elle vient de moi. Et dans un océan d'essence, j'ai pris le feu, fait tomber la mèche. Je viens d'un cœur à t'en fait sang, l'humeur fait tomber la neige. Va plus je nique sa mère, feu de l'homme, puis je veux m'y arrêter contre ma basse tombe. Elle est pas loin l'époque, des règlements de compte et des bastons. Je vis ça, c'est sale, faut faire avec, attrape la steve quand tes soldats sonnent. Trop terre à terre, les yeux vers le ciel, ici pas le sol m'assomme. Et j'en ai tant rêvé de la gloire, sa mère, je suis personne. L'avenir fait peine à croire, être du père, je suis pas prêt de percer. C'est pour les gens d'en bas, c'est qu'ils triment pour la classe moyenne. J'arrive d'en face au fond de ta merde, toi t'es bon qu'à toi. Je connais la suite, j'ai vu mon avenir dans un puits de zétoune. Je fais pas d'efforts, on m'aimera comme chez moi et plus et tout. Je partirai pas, c'est décevant, on dit qu'on est souvent bien plus riche le jour de sa mort que durant son vivant. Même s'ils sont forts, les hommes pleurent, je dis rien à personne, mais je souffre à l'intérieur, la haine est personnelle. Même s'ils sont forts, les hommes meurent, je dois rien à personne. Même s'ils sont forts, les hommes pleurent, je dis rien à personne, mais je souffre à l'intérieur, la haine est personnelle. Même s'ils sont forts, les hommes meurent, je dois rien à personne. Je dois rien à personne. Même s'ils sont forts, les hommes pleurent, je dis rien à personne, mais je souffre à l'intérieur, la haine est personnelle. Même s'ils sont forts, les hommes meurent, je dois rien à personne. Je dois rien à personne. Je revis le même jour sans cesse, marche ou pas, plus la bourre. Ok, je débute ce cesse, qui marche ou pas, je tue la boucle. Je déserte les barrages, laisse les parler, je baisse pas les bras, perce les portes. Je suis venu percer dans le rap avant que les huissiers percent mes portes. Les murs sont palés, voix parle sans femme et les cœurs sont sourds. Mais tout emballé, perte s'entasse et les pères sont sourds. Les cœurs s'allègent, ça l'air, ma mère un sourire pour sa lettre. On se fait la guerre quand on s'allège, ce putain de père un peu sa lettre. Trop tienne aux lames de scarf, tu butes l'âme de scalpeau. Cache la vie, les stylos noirs dans l'encre aux lames de sky. Y'aura du sang d'encre sur mon périple et le BPM sur mon pouls. Il en restera sûrement peu, je et mes frères sur mon pouce. Bien sûr que j'assume la perte, kick ça là sur la perme là. Vie nous pousse à perdre, achète l'instru, la chine, la perf. Même si les promesses des soifs, chaque soir on se promet de les voir. Je parle avec le cœur des fois, je crois que je vais bientôt mettre les voiles. Même s'ils sont forts, les hommes pleurent, je dois rien à personne, mais je souffre à l'intérieur, la haine est personnelle. Même s'ils sont forts, les hommes meurent, je dois rien à personne, non, je dois rien à personne. Même s'ils sont forts, les hommes pleurent, je dis rien à personne, mais je souffre à l'intérieur, la haine est personnelle. Même s'ils sont forts, les hommes meurent, je dois rien à personne, je dois rien à personne. Même s'ils sont forts, les hommes pleurent, je dis rien à personne, mais je souffre à l'intérieur, la haine est personnelle. Même s'ils sont forts, les hommes meurent, je dois rien à personne. Don't know person.